Un invité unique, une liste de 10 morceaux de musique, une heure pour en parler, c'est La Liste, une émission de radio diffusée par Campus FM, présentée par Joe Kangourou, réalisée par Thomas Delafosse qui en assurera également la mise en onde. Et la liste d'aujourd'hui est celle de Philippe Pagès. Bonsoir Philippe Pagès. Aujourd'hui, pas de morceau introductif au portrait de l'invité qui entame d'ordinaire cette émission. Il faut garder tout le temps disponible, on va en avoir besoin tant votre réputation de bavard impénitent vous précède. Mais en plus, vous n'êtes ni musicien ni compositeur. On vous connaît certes une carrière d'acteur de théâtre au sein d'une compagnie, La Mauvaise Troupe, que vous avez montée avec votre ami Michel Steiner, mais je n'ai pas réussi à trouver une seule trace sonore de vos, déclamations théâtrales. Comme vous le dites. Et avec Christian Renard, quand même, le troisième. De toute façon, et de votre propre aveu, je vous cite, comme le nom de la compagnie l'indiquait, nous étions mauvais. Alors, j'aurais pu également, évidemment, passer en introduction à cet entretien qui va nous occuper pendant les 60 minutes à venir. J'aurais pu donc diffuser une de ces histoires du bijou que vous nous avez raconté sur ces zones campusiennes, après qu'en 2012, vous ayez décidé de passer les clés du bijou à une autre équipe. Le bijou, ça y est, j'ai lâché le mot. Le bijou, un endroit que vous montez en 1989 avec un autre de vos copains, Patrick Colpotte. Un endroit, ancien bar de quartier, café ciné. À un moment, dancing à un autre, lieu de rassemblement de la résistance pendant l'occupation, dont vous allez faire en 25 ans le haut lieu de la chanson à Toulouse. Notre petite Olympia, comme le disent encore affectueusement des fidèles de cette salle. Aura d'ailleurs qui perturbe, qui perdure, moi je suis perturbé, qui perdure sous la houlette de Pascal et de Emma Chauvet qui ont pris donc votre suite. Le bijou, salle de restaurant, bar de quartier, mais surtout une salle de spectacle, une salle montée autour de trois principes immuables, cachés pour les artistes, pas de bruit, donc pas d'ennui avec le voisinage, et sono et éclairage correct, avec un quatrième principe que je rajouterai à la façon de Yoda, jamais sans l'avoir déjà vu sur scène, d'artiste tu ne programmeras. Et c'est ainsi que le 17 avril 1989, de Nieuwe Snars, tu parles d'un nom de groupe belge flamand à la musique traditionnelle un peu burlesque, inaugure cette nouvelle salle toulousaine. Un triomphe, 15 entrées payantes. Suivront Éric Larenne, dont vous dites que c'est lui qui vous a donné envie de devenir programmateur, Zebda, que vous veniez de repérer au Festival de Bourges, et plein d'autres chanteurs, humoristes, théâtreux, qui ont fait pour certains leurs premières armes avenues de Muret. Amvrak, Tête Raide, La Tordue, Benabar en 1998, Vincent Roca, Lodjo, Kali en 2004, Émilie Loiseau a également chanté au bijou, comme Nosfeld, Carlos Maza, Little Bob Story, Mama Béa, Gloria Lasso ou encore Manu Galure, un de vos protégés dont vous suivez toujours activement la carrière. La liste est longue et reflète la réalité et la vivacité de cette scène chanson, mélange de jeunes pousses, de piliers du genre et d'artistes qui, contre vents et marées, défendent cet art mineur, comme le définissait Gainsbourg, mais essentiel. Rajoutez à cela votre implication dans la création de festivals, dans la création de réseaux. Je pense au réseau Chanson, Pyramide, Chaînon Manquant. Et vous comprendrez, amis auditeurs, pourquoi le nom de notre invité du soir reste important et respecté par les artistes de ce côté-ci de la Garonne, même si depuis 5-6 ans, Philippe Pagès, vous avez quitté ces berges de la Garonne pour aller vous installer au pied du Canigou. Quelque chose à rajouter, Philippe Pagès, avant que nous entamions cette liste de 10 morceaux que vous nous amenez ce soir ? Oh ben non, on va écouter de la musique, j'espère. Eh bien, on va en écouter un tout petit peu. Et ça commence tout de suite avec ça. Philippe Pagès, invité de la liste ce soir. Traverse des petits villages, tout est un. On roule doucement maintenant. Papa est fatigué. Sally à ses côtés qui dit c'est rouge, c'est vert. Sally à ses côtés qui dit c'est vert, et qui lui raconte des trucs au téléphone. Papa dit, nouvelle affectation. Et on commence fort avec Éric Larenne. Éric Larenne, dont je le disais il y a quelques instants, que vous définissez comme celui qui vous a donné envie d'être programmateur. Ça a été un choc lorsque vous l'avez entendu. Donc ça, c'est extrait d'un de ses premiers albums, Plaisir d'offrir, réalisation artistique, musicale de Mingo Josserand. Eh oui, les débuts du bijou, j'ai dit oui à Patrick Colpot pour m'associer avec lui pour monter le truc. Je lui ai dit, je veux bien faire le service, je veux bien même m'occuper des comptes si tu veux, faire l'attaché de presse, la vaisselle, tout ce que tu veux. Mais il y a un truc que je ferai jamais, c'est la programmation, parce que je veux pas mélanger avec mon boulot de comédien. Et puis, pour représenter le bijou, j'ai été en 1988, avant l'ouverture de la salle de spectacle, on n'avait encore que le bistrot, au Printemps de Bourges. Et j'ai vu jouer Éric Larenne. Et ça, c'est comme si j'étais monté dans une voiture de sport qui roule très vite et l'accélération en 3G, là, le dos collé au siège. Et j'ai eu une émotion mais qui passe par des tremblements, quoi. Ouais. Un truc physique très, très fort. Et j'ai tellement aimé ça, tellement adoré. Et puis, j'ai surtout pas changé d'avis 30 et quelques années après pour, en sortant, me dire que ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est faire venir des gens pour qu'ils écoutent Éric Larenne. En gros, ça fait un métier. C'est limité quand même pour un programmateur. Oui, mais ça reste le fond de mon envie et je rêve toujours que des gens découvrent les nouveaux spectacles d'Éric Larenne parce qu'il en fait toujours des nouveaux et toujours très bien. Ah mais on vient d'écouter celui qu'il vient de consacrer à Léonard Cohen. Je l'ai pas encore entendu celui-là. À la CAFPO, c'est complètement extraordinaire. Ouais, je m'en doute. Et Éric Larenne qui fait partie des gens que vous écoutez depuis 30 ans, mais qu'est-ce que vous écoutiez avant de faire le bijou, avant d'être théâtreux, qu'est-ce que vous écoutiez adolescent ? Les disques de mes parents, c'est-à-dire Les Chœurs de l'Armée Rouge, Serge Reggiani, un disque de Brel... Et un de Léo Ferré quand même, de temps en temps. Mais surtout, et non, Mouloudji. Non, il n'y avait pas Léo Ferré à la maison, il y avait Mouloudji. Ferré était trop anarchiste pour un milieu sans doute communiste avec la liste que vous venez de nous alors, donner. Mon père était adjudant-chef de l'armée coloniale. Après avoir été, au contraire, insoumis, il ne voulait pas aller à l'armée. Mais comme il avait eu la mauvaise idée de naître en 1912 et d'avoir 18 ans en 1930... Ouais. Et d'être orphelin, le chômage l'a amené aux portes de l'armée et il a fait 25 ans dans l'armée coloniale, mais comme infirmier, il n'a jamais tenu un fusil. 5 ans prisonnier pendant la guerre, etc. Et mon père est sans doute, pour répondre à l'idée politique, le seul adjudant-chef de l'armée coloniale à la retraite à avoir voté René Dumont en 74. Ah oui, un précurseur. Et voilà, et à réciter régulièrement de la poésie. Et donc, moi, ce que j'écoutais vraiment, c'était la chanson. Et pour donner une anecdote, quand j'étais en terminale, la deuxième terminale, quand je redoublais, un soir, mes copains allaient voir Star Shooter et moi, je prenais ma voiture pour aller jusqu'à Pau et voir Serge Reggiani. Ah oui. Depuis Cahors, tu vois. Effectivement, dans la cour du lycée, il y avait de quoi parler sur les choix musicaux. Voilà, j'étais déjà très très vieux à 18 ans. Un peu en marge. Le théâtre, c'est arrivé comment ? C'est des histoires de lycée et de cours d'art dramatique comme on faisait à cette époque-là ou pas du tout ? Une fois viré du lycée de Cahors après avoir raté le bac, j'ai redoublé au lycée de Gourdon. Ou jeune majeur, en ayant un appartement, puisque le lycée avait refusé que je sois à l'internat, en allant travailler le week-end pour payer cette piole, puisque mes parents m'ont dit « t'as fait l'andouille, maintenant tu te débrouilles, on te donne de l'argent comme si tu mangeais à la maison, mais tu te débrouilles pour payer ton loyer », ce que j'ai fait. Et à la MJC, au lycée de Gourdon, j'ai rencontré des gens qui allaient à la MJC et qui faisaient des cours de théâtre. Avec Jean Gilbert et son frère Yves, qu'on a pu voir ici avec la compagnie Nelson Dumont, pour donner une référence après. Et donc j'ai vite participé aux ateliers de la MJC, ça m'a beaucoup plu. Donc on préparait un spectacle qu'on a joué en cours d'année. Et en même temps, ces gens m'emmenaient à Sarlat, une fois par mois, voir un spectacle de l'association En attendant le soleil, où j'ai vu dans la même année Areski et Fontaine, ah oui, Patrick Abrial... Des sketchs de Karl Valentin par je sais plus qui et puis quelques autres comme ça. Surtout Font et Val, ça a été ma grosse révélation quand même. Et donc, en même temps, il y avait une amicale des élèves du lycée qui chaque année organisait un bal. Et puisque j'étais le petit nouveau qui arrivait, en plus je venais de Cahors, de la préfecture, quoi, c'était la vedette. On m'a proposé d'être président de l'association. J'ai dit d'accord, mais moi je connais le gars qui est Roddy de Patus Crema. Alors au lieu de faire le groupe Cascade habituel, on va faire Patus Crema. Groupe de bal bien connu dans le sud-ouest à cette époque. C'est le premier spectacle que j'ai organisé et ça m'a pris beaucoup de temps, donc je n'ai pas suivi les cours pendant ce temps-là. Et cette histoire de spectacle me trottait dans la tête et j'ai décidé de venir habiter à Toulouse pour devenir comédien. Ah. Donc j'ai été balayeur de nuit, distributeur de sérigraphie en porte-à-porte, de tracts au feu rouge, etc. pour en vivre. Et puis très vite, je suis arrivé au Centre culturel des Minimes. En étant passé par le café-théâtre La Basse-Cour, où j'avais travaillé. Je fais vraiment un abrégé. Hein. Mais ça m'a permis de me conforter et de rencontrer des gens avec qui j'ai fait le boulot après. Et quand je pense à Christian Renard, avec qui j'ai monté La Mauvaise Troupe, et avec Michel Stenner, on s'est rencontrés très vite. Je suis arrivé à Toulouse en septembre 80, et au mois de décembre, on était partis pour faire des choses ensemble. Loiseau, l'autre bout du monde. Une explication sur le choix de ce morceau ? Oh oui, c'est une découverte au festival Alors Chante à Montauban. Elle était seule, piano-voix. Et quelques années après, un collègue responsable d'un grand festival de la région me dit « Mais entre nous, dis-moi, comment t'as fait pour apprécier Émilie Loiseau ce jour-là ? Parce que le jury qui décide des prix professionnels d'Alors Chante à Montauban, personne n'a voté pour elle. Zéro. » Et moi, j'ai trouvé ça génial, je l'ai programmé. Elle était venue faire une semaine au Bijou, une semaine entière. C'était une rencontre délicieuse. Cette fille était absolument adorable et une vraie rencontre. Et à ce moment-là, elle avait encore peu de représentations, mais il y avait déjà une production. Enfin, moi, ça me semblait évident que ça allait marcher. Et je me suis toujours demandé pourquoi mes collègues n'avaient pas foncé. Et il faut bien dire que très souvent, au bijou, on peut avoir accès à des artistes comme ça grâce au fait que des programmateurs plus riches n'aient pas pensé à programmer ces artistes. Sinon, ils auraient été joués ailleurs, évidemment. Ce qui a été le cas, par exemple, de Kali. Kali, lorsque vous signez son contrat pour qu'il vienne jouer, était quasiment inconnu. Et entre-temps, il fait son tube, c'est quand le bonheur. Ouais, c'est ça. Et là, le bijou est archi bourré. Il y a du monde de partout, y compris sur les estrades. C'était une semaine terrible parce qu'il y avait Eileen Barnes pendant deux jours, une joueuse de blues fantastique qui a rempli elle aussi, et les deux jours avec Kali. Et Kali, c'est tout simple. Je savais comment faisaient les producteurs parisiens. Ils commençaient par appeler les grandes salles toulousaines, puis de 1500 places, puis après ils appelaient celle qui fait 400 places, et puis si ça n'avait pas marché, ils appelaient le bijou. Et c'était un truc au dernier moment et j'ai répondu comme d'habitude, mais ton gars, il a peut-être qu'il a beaucoup d'avenir, mais moi j'ai pas vu sur scène, tant que j'ai pas vu, je programme pas. Et le producteur, qui était Xavier Echin chez Astérios à ce moment-là, me dit, mais il va jouer à la fête du travailleur catalan à Argelès en première partie de Imouvrini début juillet. Banco, j'ai été voir et j'ai été retourné immédiatement. Immédiatement. J'ai pas mis Kali dans cette liste parce que je n'écoute pas des chansons de Kali. C'est pas quelqu'un dont le format audio me convainc, c'est-à-dire c'est pas la richesse des textes qui va m'emballer. Mais quand je l'ai vu sur scène, cette capacité à emballer le monde, cette générosité, le vrai spectacle, Kali, il faut aller le voir sur scène. Émilie Loiseau, l'avantage, c'est que les deux fonctionnent. On peut aller la voir sur scène et écouter. Et puis tout ce qu'elle a fait après, on l'a accueillie sur des tours de chant, elle est venue plusieurs fois aussi. C'est vraiment une personnalité marquante. Et qui fait évoluer son spectacle et son répertoire au fur et à mesure de sa carrière. C'est vrai que vous la décriviez en piano-voix solo. Elle a pu partir avec des musiciens complètement électro, revenir sur des formats nettement plus pop. Et c'est vrai qu'elle évolue sans cesse. Avec Conto Manou, le grand violoncelliste là, qui pourrait jouer au basket, là, entre autres. Et à chaque fois, surtout, elle met un format des lumières souvent magnifique. Et elle a trouvé la forme pour amener la poésie dans la musique, amener la poésie dans les images, avec souvent des textes d'une cruauté terrible, hein, parce qu'elle ne fait pas dans la dentelle, mais en même temps un sourire, quelque chose de toujours positif qui passe dans des constats qui pourraient paraître plus moroses. J'habite dans une M, petite ruelle de Bintan. 7h du mat, ma voisine allume son réchaud au butane. Les femmes assises à même le sol découpent des légumes. Les hommes s'interpellent, déambulent, rient et fument. À peine sortie de ma rue, c'est l'explosion de la ville. Le défilé des scooters qui forment une seule et même file. Ça crie, ça se bouscule, rien ne se tait et tout bouge. À l'exception des affiches de propagande jaune et rouge. Les vendeurs ambulants règnent en maître sur la chaussée. On passe commande depuis sa bécane et on l'attrape à la volée. On arbore des t-shirts aux effigies évocatrices. On porte du Donald Trump ou du Dora l'exploratrice. Saigon vit dans le vacarme des deux roues, des moteurs débridés, des clignotants, des klaxons fous. Hommes et femmes de tout âge pilotent les mêmes bolides. Les vieux conduisent lentement et les jeunes font les caïds. Des sièges minuscules signés sur les trottoirs. Saigon, Georges K, là aussi, deux mots sur cet artiste que personnellement je ne connaissais pas du tout. Eh ben, prends le temps de découvrir, il y a des vidéos sur YouTube et puis allez voir le spectacle, c'est vraiment quelqu'un de fantastique. Le Des Tours de Chant fait partie d'un rassemblement qui s'appelle Fait des Chansons, qui est un rassemblement de festivals aux quatre coins du monde et qui célèbre la francophonie. On retrouve des Québécois, des Belges, des Français et on se donne rendez-vous chaque année pour découvrir 18 groupes à Paris en 3 jours. Et ce sont les producteurs de spectacles qui nous proposent des artistes. C'est un principe de showcase à mi-chemin du festival, mais avec une programmation qui n'est pas faite par des programmateurs, mais par les vendeurs de spectacles qui amènent les spectacles susceptibles de nous intéresser. Et l'an dernier, enfin en 21 maintenant, j'ai découvert cette fille dans ce cadre-là et j'ai été absolument emballé, ébloui. Et plus je réécoute, en plus, plus je vais plus loin sur son répertoire, plus je suis épaté. Elle a 23 ou 24 ans, c'est incroyable. Une écriture incisive et elle sort vraiment de ses ateliers slam de la banlieue parisienne qui sont le reflet de ce truc éducation populaire qu'on trouve dans les meilleurs endroits. Et elle a une imagination intéressante, une qualité d'écriture remarquable, un aplomb féroce. Et c'est vraiment une toute petite jeune fille, toute frêle comme ça, mais qui a une détermination incroyable, qui emporte tout sur son passage. Et tous ceux qui ont été la voir au Chapeau Rouge pendant des tours de chant ont été emballés. Et je pense que tous ceux qui auront l'occasion de la voir le seront. C'est vraiment quelqu'un qui, à mon avis, devrait se faire repérer rapidement. Dans ce que vous venez de dire, il y a quelque chose qui vous définit bien, c'est le mot réseau. Là, vous parlez d'un festival organisé par un assemblage de festivals qui célèbrent la francophonie un peu partout dans le monde et qui se réunissent. C'est vrai que ça, c'est vous avez passé une partie de votre activité de programmateur à monter des réseaux. Je disais, il y avait Pyramide, il y a le réseau Chanson, le Chaînon Manquant, des choses comme ça. Et vous avez essayé tout le temps de fédérer ce milieu un peu à la marge du show business pour essayer de lui donner un peu plus de puissance. Bah, c'est la moindre des choses parce qu'il s'agit de remercier et de reconnaître que tout ce que j'ai appris au bijou, quand j'ai ouvert la salle, je ne savais pas ce que c'était que la TVA et l'URSSAF et l'organisation de spectacles, l'affichage, la communication, rien. Et ce que j'ai pu apprendre, je l'ai appris grâce à des collègues qui formaient à ce moment-là le syndicat national des petites structures de spectacles, on appelait ça le Synapse, qui m'ont accueilli au sein du conseil d'administration dès 1988. Et c'est eux qui avaient initié ce réseau, qui m'ont permis d'avoir accès à des spectacles fantastiques à l'ouverture du bijou. Si on a eu le Quartetto Cedrone, Mama Béa, François Béranger et j'en passe, tout ça, ça venait grâce aux tournées qui s'appelait Orchidée à l'époque, avant même que le Chaînon Manquant existe. Et il s'agit très vite de créer une déclinaison régionale de ce réseau national. Mmh. Et effectivement, en Midi-Pyrénées, ça n'existait pas. Et avec les gens de Arcade à Sainte-Croix-Volvet, Germinal Clément, qui était au centre culturel de Moissac, on a commencé à se réunir et petit à petit, on a structuré un réseau autour de ça. J'avais participé à l'époque avec notre copain Grèze à la formation de Avant Mardi, qui s'appelait jusque-là Chanson 358, les premières sélections du Printemps de Bourges. C'est évident que quand on se met à plusieurs, on fait des choses plus intéressantes. C'est ce qui a permis aussi au bijou de devenir ce qu'il est devenu. C'est-à-dire un lieu chanson, mais surtout un lieu reconnu un peu partout en France comme un lieu où la programmation était pointue et efficace. Oui, ça c'est une évidence. C'est grâce à ce travail en réseau et puis ces découvertes partagées. Parce que si j'ai pu amener des programmations intéressantes aux bijoux et pas faire jouer... Je vais être peut-être un peu cash, mais il faut le dire directement. Les lieux que je fréquentais dans les années 80 à Toulouse, à un moment où il y avait beaucoup de clubs de jazz, le jazz était très vivant, se sont un peu effondrés d'eux-mêmes à programmer toujours les mêmes artistes sous des noms différents, parce que c'était Paul Dugenou Quartet un jour et Machin Bidule le lendemain, mais avec les mêmes morceaux. Et les mêmes musiciens, mais on changeait le leader juste. Et qui amenait quelques arrangements, mais ça déçu beaucoup de gens, vraiment, dans le public. C'était des réflexions que j'avais régulièrement. C'était les bistrots qui me disaient « Mais faut surtout pas démarrer à l'heure. T'annonces 21h, tu démarres à 23. C'est là qu'ils boivent avant. » Et moi, je voulais absolument que des gens qui travaillent puissent venir au spectacle et aller bosser le lendemain avec ceux qui veulent rester boire un coup face à la fin. Donc, ce côté réseau, je l'ai alimenté par des gens avec qui je partageais aussi ces goûts, ces... J'aime pas le mot valeur parce qu'on le met à toutes les sauces. Mais principes, quand je disais voilà, les principes de fonctionnement, vous en avez édicté un certain nombre sur lesquels vous êtes toujours resté cash. Le démarrage à l'heure, voilà, et tu fermes ta gueule pendant que le chanteur est là, on discute après. Et surtout, on paie le chanteur. Oui, ce qui était aussi chose pas très courante à la fin des années 80, début des années 90, sur la scène musicale toulousaine. Combien de fois on a pu entendre que les gens étaient payés au lance-pierre quand ils étaient payés. Et au noir en tout cas. Et au noir en tout cas, et quelquefois ils n'étaient payés qu'en bière. C'est vrai que ça aussi, ça fait partie un peu, j'allais dire, de la légende du bijou, d'avoir été un endroit qui reconnaissait des droits aux musiciens en tant que travailleurs, avec tout ce qui va aussi de désagréable pour les artistes au bijou, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un certain nombre de principes pour les artistes et il fallait qu'ils s'y tiennent. Combien de fois j'ai pu aussi entendre dire ah, il y a la marre, Pagès, il ne veut pas qu'on invite les copains, il y en a marre, non, il faudrait faire un effort. C'est vrai, et c'est vrai que ça aussi, ça faisait partie du fonctionnement du bijou. Ah, et combien de fois je me suis engueulé avec des musiciens qui rangeaient les housses de batterie et puis de guitare dans la sortie de secours. Ben non, la sortie de secours, elle reste libre, tu vas le ranger dans la loge, mon gars. Mais évidemment, ben c'est un état d'esprit. Mais ça, donc pour revenir à cette histoire de réseau, les partages que j'ai eus avec les collègues d'autres régions qui étaient plus âgés que moi, qui avaient monté des cafés-théâtres à Tours, à Angoulême, à Cognac, en Lorraine, en Alsace, tous ces gens-là m'ont apporté énormément d'idées. Et puis il y avait aussi les années où j'ai joué comme comédien, même si on s'appelait la mauvaise troupe, on arrivait quand même à en faire une centaine par an. Et j'ai joué dans plein d'endroits qui me donnaient des idées quand même. Et ça me trottait dans la tête d'avoir un lieu et puis de fabriquer cet endroit où on peut assister à des concerts et discuter après. Ce rapport à l'échange et puis le bien boire, le bien manger, toute la convivialité, pour moi, c'était déterminant. Pour continuer là-dedans, c'est chez vous qu'on a bu les premiers tariquets à l'époque où le tariquet valait quelque chose et n'était pas un assemblage de divers produits chimiques dont on ne sait pas d'où ils viennent. Quand le grand-père Grassa était encore à la manœuvre. Exactement. C'est là aussi que la Bératèse, cette bière brassée pas très loin de Toulouse, a commencé à couler. C'est vrai que vous avez toujours été vin évidemment biologique, vin nature, et puis très axé sur la qualité des produits qu'on pouvait avaler chez vous, y compris la cuisine. Quoi ? C'est l'été. On est des tout petits. C'est ma saison préférée. On a la chance, c'est tous les jours dimanche. Dans les bouchons du 15 août, des Saint-Tropez, la Vendoue, les automobiles heureux se saluent amoureux. Le bruit brille sous le soleil de la France. Le sky colle, les familles en vacances. C'est l'été, d'où veut nous arriver. C'est ma saison préférée. On a de la chance, c'est tous les jours dimanche. Pas de nuages dans le ciel bleuté, tenue allongée sur le sable sale et laissé dorer le jour durant. Sans discuter pour endurer les longs jours, leur pont rouge de la baigne d'eau pied. C'est l'été de Kiss Mokhtong, un groupe parisien qui continue à produire. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à les mettre là, parce que j'avais plus de nouvelles depuis longtemps et puis je me suis aperçu que ça tourne toujours et les salles parisiennes les accueillent de temps en temps. Et ça, c'est vraiment pour moi révélateur d'une époque, parce qu'ils avaient joué à l'Éclusanne, c'est une découverte de Fanfan d'abord. Alors on va remettre un peu l'histoire en place. Avant le bijou, il y a eu un autre endroit où vous avez été impliqué, mais pas forcément dans l'animation du lieu, mais dans la gestion du lieu. Ça s'appelait l'Éclusanne. Celui qu'on voyait tout le temps à l'Éclusanne, c'était quelqu'un qui s'appelait Fanfan, et donc qui faisait ce qu'a fait le bijou après, de la programmation d'artistes toulousains, mais pas que, et notamment de Kiss Mokhtong. On était souvent à l'affiche de l'Éclusanne, qui était rue Réclusanne. Oui, qui s'appelle la Loupiote maintenant. Et donc c'était Patrick Colpot qui était le patron à l'origine, qui s'était associé ensuite avec Fanfan, et qui m'a proposé plus tard d'ouvrir le bijou, qui animait ce lieu. Et quand tu parlais de réseau, c'est quand même là où il y a eu un premier réseau, mais d'artistes, qui s'est créé. C'est quand je revenais dans cet endroit où j'allais régulièrement comme client et pour y avoir joué avec les copains de la mauvaise troupe, quand on revenait de tourner à l'extérieur, je lui avais raconté entre autres que j'avais vu un collectif d'artistes au Trinitaire à Metz basé sur un lieu. Ça m'avait beaucoup séduit. Et donc Patrick Colpot m'a dit, mais pourquoi on ne monte pas ça à l'Éclusanne ? Et on l'a fait avec les artistes qui étaient là, c'est-à-dire Géant, Christian Verselotti, Christian Vite, Edmond Zabal Et une dénommée Juliette, et voilà. Chanteuse. Et Juliette qui a été une des artistes phares de l'Éclusanne. L'Éclusanne a déménagé en divers endroits. Ils ont même atterri avenue Gabriel Péri dans un endroit qui s'appelait l'Écluse de Le Retour. L'Éclusanne de Le Retour est celle qui a fait l'inauguration de cet endroit qui allait devenir après le Chantaco. C'est Juliette. Oui, oui, oui. Bah, Juliette a joué à une époque tous les lundis à l'Éclusanne. Pendant une année, je crois. Hein. Ça a été vraiment son point d'ancrage quand c'était Juliette et Léon. Je me souviens très bien du jour où elle avait bu un coup de trop et qu'elle a fait l'homme à la moto avec la version espagnole qui n'était pas calculée 5 minutes avant. C'était une vraie impro au départ, ce truc-là. Et c'est un personnage évidemment central dans l'histoire de beaucoup de gens à Toulouse. Et pour moi, une amitié qui dure toujours. Hein. Mais pour revenir à De Qui se moque-t-on qu'on a entendu, c'était révélateur de cette époque parce qu'ils ont été des piliers de l'Éclusanne. Ils y sont revenus souvent. Ils sont venus au Bijou, ils y sont venus souvent. Ils ont beaucoup joué à l'été de Vahour. Et c'était les liens qu'on avait beaucoup avec les bistrots toulousains qui fermaient, mais on allait l'été ailleurs. Et entre autres, l'été de Vahour, où on était client, on l'a beaucoup fréquenté. On a fait des soirées formidables là-bas. Les gens qui habitent à Vahour depuis longtemps se souviennent de soirées terribles avec De Qui se moque-t-on, qui était vraiment le groupe festif purement, quoi. Faut pas s'attarder aux paroles, là, c'est pas de la chanson à texte. On était vraiment quelque chose de très vivant, très joyeux, avec une allure très très moderne dans cette façon de jouer un jazz dansant à l'époque. Ouais, et avec un guitariste, Alain Vazard, qui était un guitariste assez exceptionnel. Ouais, ouais, ouais, vraiment. Le jour de l'apocalypse, on prendra mon parapluie. Tu voudras voir la dernière éclipse, toi qui les trouves si jolies. Le vent nous bouffera la peau sous la pluie des météorites. Tu trouveras qu'il fait un peu chaud, je t'embrasserai un peu plus vite. Et si rien se passe, on ira manger des glaces en attendant la fin du monde. Et si rien ne se passe, on ira manger des glaces en creusant la couche d'ozone. Manu Galure, le jour de l'apocalypse, album Vertum, l'album que Manu Galure avait réalisé après son périple hexagonal, marche à pied pendant 2 ans de Toulouse à Paris, en passant par la Bretagne à l'aller et en passant par la Bourgogne au retour. Manu Galure, je le disais en début d'émission, un de vos chouchous, un des artistes que vous avez découvert, que vous avez accompagné pendant longtemps au Bijou et que vous continuez à suivre. Oui, bah, il est venu en 2004 faire les auditions Ozon du mardi ou du jeudi soir, je ne sais plus, à l'époque. Et dans ces auditions où c'était un plateau de 4-5 artistes qui voulaient jouer 5-6 chansons pour commencer à se faire connaître. Oui, et ils n'étaient pas payés pour le faire et le public ne payait pas pour venir découvrir. Et c'était un vrai principe d'audition publique. Et ce duo, Les Petits Hommes, Luc de Beogne et Manu, de son nom d'état civil que je ne dirai pas, là, on jouait ça et c'était vraiment exceptionnel. J'ai tout de suite pris la claque de cette qualité littéraire qu'il y avait déjà, cette verve incroyable, cet aplomb. Ça m'a donné envie de les programmer. Il m'a avoué après que quand je l'ai programmé, il a commencé à écrire le reste du répertoire, parce qu'il n'avait que les 20 minutes qu'il était venu présenter. Et le groupe Les Petits Hommes a tout de suite eu un joli retentissement à Toulouse, quelques beaux spectacles. On l'a amené un peu justement sur Pyramide, les régions en scène, à leur chambre, tout ça. Le Bijou essayait de les présenter à d'autres programmateurs. Ça a commencé à tourner. Et puis très vite, un an ou deux après, il revient me voir en disant « Écoute, les petits tomes, c'est bien, mais j'aimerais bien faire des trucs tout seul, là, en piano-voix, mais je sais pas comment m'appeler. J'ai pas envie de mettre mon nom d'état civil, cherche un nom de scène. Et il avait un chapeau à la main ce jour-là. Je lui ai dit, t'as qu'à t'appeler Manu Gallure. Ah ben d'accord. Et c'est parti de là. Et puis donc, Manu Gallure a joué à nouveau à Alors Chante, en solo. Il a remporté le prix du public. Ça lui a donné une ouverture sur le chaînon manquant qu'il a fait, sur des tournées importantes. Et il a vécu 10 ans, en gros, de ce point de départ-là. Avec sa chanson phare de l'époque, J'ai 20 ans et je vous emmerde. Entre autres, il l'avait fait en première partie d'Igelin à la Halograin. Et il avait enregistré cet album, premier album, en public au Bijou. Ouais, ouais. Et le succès dans notre petit milieu est parti très vite, sans que ça passe le cran au-dessus. Mais il a vécu 10 ans très très bien, avec des belles tournées. Il avait une boîte de production parisienne qui lui trouvait de jolis contrats. Et puis à un moment, il avait envie de faire autre chose. Et c'est le moment où moi j'avais vendu le Bijou, j'étais disponible. Je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, je suis un chômeur de plus de 50 ans, tu montes ton association, tu m'engages, on aura un contrat aidé et on change de rapport. Et c'est lui le patron maintenant. Ah. Et on a monté une structure qui s'appelle Le Cachalot Mécanique et qui est maintenant un collectif d'artistes, puisqu'on retrouve aussi Chouf et Marin avec lui. Et puis peut-être que ça bougera encore. Et le topo, c'est de faire vivre cette structure avec une autonomie totale, que ce soit pour trouver les concerts, pour enregistrer les disques, pour acheter du matériel, un véhicule, avoir une structure qui est vraiment productrice de l'ensemble des œuvres. Et on a monté ça depuis le Tour de France à pied, donc depuis 2016. Et une structure qui continue à fonctionner et à marge de l'industrie de la musique traditionnelle. Oui, mais en reprenant l'exemple, on a notre ami Wally qui fait ça depuis longtemps. Énormément d'artistes ont eu l'intelligence de créer des structures, même localement, quand on voit des gens comme Didier Labbé ou le Tigre des Platanes, Freddy Morrison, des gens comme ça, ont monté des structures indépendantes, heureusement, parce que ça permet d'avoir une façon d'organiser une carrière qui n'est pas forcément dépendante des grandes boîtes, ce qui n'empêche pas un jour de croiser avec eux à nouveau. Hein. Et qui permet aussi, par le réseautage que vous mettez en place, de pouvoir créer un deuxième circuit de salles, sans doute plus petite, mais qui permet à ces artistes de pouvoir jouer régulièrement ailleurs que dans leur ville d'implantation. Ah ben c'est le cas d'ailleurs pour Manu Gallure, qu'on ne va pas voir à Toulouse avant un moment, à part le 2 juin, là où il va être à Colomiers. Mais les tournées vont s'échelonner sur à peu près toutes les régions de France. Ils vont avoir une longue pause. Là, ils ont beaucoup joué cet hiver. Du 15 juin au 15 septembre, ils ne vont pas jouer. Mais par contre, après, ils partent pour 120 représentations en 6 mois, vraiment aux quatre coins de France. Ce qui fait qu'ils ont largement de quoi avoir le statut d'intermittent, si on le dit comme ça. Là, mais déjà, avec la tournée à pied, je l'avais écrit, il avait sans doute le bilan carbone le plus faible et le taux d'emploi le plus élevé, puisqu'il avait fait 359 concerts en 2 ans. Et là, on n'est peut-être pas tout à fait là-dessus, mais en tout cas, la centaine dans l'année qui vient, ils y sont, ouais. Plage en plage noire de mazout, nue décharnée, des rives au large au fond des soutes, déchus les princes des nuées, déchiqueter la chair, briser les os, leurs palmes tombées du ciel, recrachées par les eaux, morts les oiseaux, au cimetière des oiseaux. Au cimetière des oiseaux, les visiteurs de nuages. Et on reste avec le collectif que vous venez de nous décrire à l'instant, Baleine Mécanique, Chouf. Simon Chouf, extrait de Le Cachalot Mécanique. Le Cachalot, j'ai dit la baleine. Oui, c'est des cousins. C'est quand même, ils font partie de la même famille. oui. Donc, Chouf, extrait de son dernier album, paraît-il, il y en a un qui s'annonce. Vous allez peut-être nous en dire un peu plus dans deux secondes. Mais Chouf, pourquoi dans cette liste, hormis le fait qu'il fasse partie du Cachalot Mécanique? Alors, les chansons de Chouf m'ont toujours épaté par cette espèce d'atmosphère douce, rêveuse qu'il a, et sur des fonds très animés, un travail musical toujours plus punchy, mais il a quelque chose de très rêveur qui m'a toujours beaucoup séduit, et des influences très diverses, et savoir qu'il prépare un nouveau spectacle là, qui va être créé au Bijou au mois de septembre, ça m'excite beaucoup parce que j'ai envie de revoir. Ça fait un moment, il a pris son temps, comme il travaille sur les spectacles de Galure, sur un rôle de régie. Il n'était pas pressé de créer le nouveau répertoire. D'abord, il s'est occupé de faire une maison et un bébé, et il avait du travail de ce côté-là. Mais je suis sûr qu'on a aussi un regard sur la société à la fois très militant et très poétique, une capacité à aborder des thèmes très importants pour nous tous avec une jolie manière de le mettre en musique. Ouais, et assez lucide. Oui, et, oui. Et assez lucide. Et je pense que ce qui nous attend, je ne les connais pas encore, les nouvelles chansons, elles arrivent, mais la lucidité va être encore au rendez-vous. Mais c'est intéressant dans son écriture, il sait la mettre en forme. De fond, une arme à la ceinture et des gestes d'enfant. Ils portent le maillot de leur joueur préféré et tatoué sur la peau un Christ ensanglanté. Nuit et jour en maraude, ils vivent de fumée et de diverses fraudes, les garçons de mon quartier. Et moi je vais prier cible sous les fleurs et sous son voile de douleur, ô Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour... Juliette, les garçons de mon quartier, vous nous racontiez tout à l'heure comment Juliette a été un pilier de la programmation de l'Éclusanne puis du Bijou, une amitié qui s'est forgée dans les années, fin des années 80. Avec Juliette. Ah, même au début des années 80, ouais. le forum qu'on avait fait, je crois que je l'ai vu la première fois en 83 ou 4, ouais. Et on avait fait un forum de rencontres artistes et diffuseurs à l'espace Bonnefoy, entre autres. Et ce qui est fantastique avec Juliette, si j'ai choisi celle-là de chanson, c'est parce que c'est une des premières dont elle a écrit les paroles. Elle a quand même passé quelques disques, un bon nombre, et quelques répertoires à ne chanter que des auteurs qui lui semblaient importants. Beaucoup de gens ont écrit pour elle. Elle voulait se concentrer sur l'écriture de la musique et ne se donnait pas le droit d'écrire. Et quand on entend celle-là, je pense que ouais. La qualité d'écriture, elle l'a aussi. Et c'est vraiment quelqu'un qui a là aussi une façon de mettre l'engagement politique dans la poésie d'une façon qui est complètement artistique. C'est-à-dire que c'est pas de la chanson tract, mais ça a toujours dit énormément de choses. Le travail de Juliette... Évidemment, pour les gens qui l'ont vue sur scène, on sait combien elle est impressionnante, combien elle est capable de mettre de l'humour au milieu de la tragédie, de mettre de la provocation au milieu de choses au contraire très sensées. Elle a un aplomb incroyable, un sens de la répartie formidable. Un entêtement, des fois intéressant, je me souviens de lui avoir dit un jour, avant qu'elle joue à la salle bleue Croix-Baragnon, ce qui était une des premières salles importantes pour elle, jusque-là elle avait beaucoup joué dans les bistrots, je lui ai dit, tu sais quand même, ton vieux jean pourri et puis ton sous-pull qui met en avant tes formes, c'est une façon de s'habiller, t'as fait ton personnage, mais des fois, arriver sur scène, travailler un peu plus le costume, ça fait partie du spectacle aussi, quoi. Bah, ta gueule. Et puis, on l'a vu arriver sur la scène de l'espace Croix-Baragnon, avec une robe de velours absolument magnifique, très princesse moyenâgeuse. Elle s'est installée au piano, elle a regardé vers le premier rang où on était assis avec Christelle, et elle a relevé la robe, et dessous il y avait le jean et les patogas. Et là, elle nous a mis un coup de menton avec un air bien rageur. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Vous le disiez en parlant de Juliette, mais vous le disiez aussi tout à l'heure en parlant de Simon Schouff, cette façon de faire rentrer la politique dans la poésie, c'est quelque chose qui a toujours été un soubassement du bijou, cet aspect politique. On se souvient de certaines conférences que vous avez pu organiser là-bas. On se souvient aussi de pièces de théâtre qui parlaient de sujets plutôt graves. Aïf la pompe afrique, Nicolas Lambert, par exemple. Par exemple. Ou alors ce spectacle qui tournait autour de la peine de mort. Je ne me souviens plus comment s'appelait l'acteur qui portait ça, mais qui parlait de la chaise électrique. Oui. Type qui venait du café-théâtre, moi aussi je suis en train de chercher son nom, Manuel Pratt. Voilà. Et Manuel Pratt qui avait fait du café-théâtre le truc qui marche, quoi, des choses plutôt faciles. Et quand il s'est attaqué à ça, c'était complètement à contre-emploi et très courageux, parce qu'il a vraiment eu une révélation à la lecture du bouquin sur les gens dans les couloirs de la mort, et c'était splendide. Et c'est vrai qu'on sortait de là, on avait eu des frissons. Il y a des descriptions d'exécutions qui sont sidérantes. Bien sûr. Et là, je repense à Manu Gallure et au rapport à la politique et la chanson. Lui m'a toujours dit que ses opinions politiques, il voulait les garder pour lui, que c'était un truc personnel, et qu'il ne voulait jamais faire de la chanson tract. Il n'a jamais aimé le côté chanson engagée. Mais de fait, avec la chanson sur le dernier jour avant l'apocalypse, oui, qu'on entend là, évidemment que le fond est politique. Et c'est en fait la difficulté pour les artistes et les chanteurs de trouver une façon de s'exprimer, parce que quand même, on a entendu avant Jean Ferrat et d'autres faire de la chanson directement engagée. Il y a des sujets qui sont difficilement amenables en étant nouveaux. Et quand on trouve, je sais pas moi, viens avec le déserteur à trouver une façon hyper poétique d'évoquer un sujet, les chanteurs, pour arriver à écrire quelque chose qui contienne un message politique intéressant, mais dans une forme poétique qui soit agréable et qui permette à l'auditeur de ne pas être agressé par une pensée qui viendrait d'en haut. Il ne s'agit pas de faire la morale. Et d'y réfléchir, mais par contre, au fur et à mesure, et peut-être il y a après une façon de chatouiller les neurones de l'auditeur que les gens ont trouvé, Manu, Simon Chouf et Juliette, dans beaucoup de ces textes aussi, le trouvent également. Toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent vivre, je vis, je vis. Pour toutes mes sœurs qui ne peuvent crier, je crie, je crie. Pour toutes mes reines qui ne peuvent aimer, j'aime, j'aime. Pour tous ces corps qui ne peuvent danser, je danse. Pour tous ces corps qui ne peuvent jouir, je jouis, je jouis. Tout sorti d'un ventre, d'un sexe de femme, tout sorti d'un utérus de dame. Nous sommes vos mères, vos sœurs, vos femmes, yin et yang complément d'âme. Ras-le-bol d'avorter que des filles, ras-le-bol de cacher. On parlait de poésie et de politique. Voilà encore un exemple avec Estelle Meyer, pour toutes mes sœurs, qu'on a pu voir ces deux dernières années à des tours de chant, si je me souviens bien. Elle avait fait un passage ici dans un caramel mou il y a 2-3 ans. Elle avait joué à la CAF Poésie et cette fois-ci, elle a joué à Alban Mainville. Estelle Meyer ? Estelle Meyer, c'est une espèce de princesse kitsch, un truc complètement délirant quand on la voit arriver. Déjà le côté physique, la façon de se costumer, alors elle y fait attention, hein, la façon dont elle s'habille, c'est déterminant. Et puis les capacités vocales, cela par contre il y a quand même quelque chose de tout à fait épatant chez elle. Et puis cette volonté d'aller investir un tas de choses différentes. Là, elle a pris des cours pour être derviche tourneur. Elle finit son spectacle, mais réellement, elle fait 20 minutes à tourner sur elle, et c'est complètement envoûtant. Cette fille est passionnante. Alors là, c'est complètement lunaire. Elle évoque toutes ces questions-là sur le féminisme avec une fausse naïveté, un sourire. C'est toujours très aimable, sa façon de se présenter, alors qu'elle peut évoquer des choses qui sont tout à fait horribles, mais elle a choisi de le transformer uniquement sous l'angle positif. C'est très très beau. Vous continuez à voir beaucoup de spectacles? Oui, demain soir par exemple, j'irai voir l'Embéloque avec Bruno Zarn dans un concert chez l'habitant à Rabastens par exemple. C'est toujours évidemment l'aspect le plus intéressant du métier, c'est toujours le plus fantastique. d'aller à la découverte, de rester attentif à tout ce qui peut être proposé. Et le fait d'avoir déménagé et d'habiter dans les Pyrénées-Orientales m'amène à faire d'autres rencontres. J'ai été voir une fille qui s'appelle Rosalie Hartog, par exemple, qu'on verra dans nos prochains coups de pouce, une violoniste, dont j'ai su après qu'en fait, je la connaissais puisqu'elle accompagnait Fraissinet, un chanteur suisse qu'on a déjà vu au Bijoux et à différents endroits dans la région. Et c'est quelqu'un... Cette façon d'aller à la recherche tout le temps des nouveaux spectacles, c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Et en même temps, ça fait découvrir de nouveaux lieux d'ailleurs. Les nouveaux lieux, les nouveaux artistes, ce truc permanent. Et si on a quand même quelque chose de fondamental dans la chanson qui est heureux, c'est qu'on n'a pas de problème de matière première. On a quelques difficultés de déboucher pour amener le public de temps en temps. Mais par contre, des artistes qui arrivent avec des choses nouvelles, on a évoqué Georges K tout à l'heure, des nouveaux qui arrivent avec des formats d'expression différents. On verra Oscar Les Vacances sur le prochain Détour de Chant, des gens comme Hector Ourien sur le burlesque. Du nouveau, il y en a tout le temps. Et ça, il faut rester attentif et à l'écoute parce que c'est le plus intéressant. D'ordinaire, la liste, ça sert à faire un peu le bilan d'un parcours artistique et de comprendre un peu comment les gens en sont arrivés là où ils en sont. Vous, finalement, ça va piocher dans des souvenirs d'il y a 30 ans ou dans des choses que vous venez de découvrir parce que vous n'arrêtez pas d'écouter. Vous êtes toujours aux aguets. Ben oui, mais oui, c'est ça aussi votre métier. Même sûr, si vous ne programmez pas, la production le suscite. Hors des tours de chant. Bien sûr, mais parce que la production le suscite. Il y a tellement de belles choses qui arrivent. Si on veut prendre le temps d'écouter et de se laisser surprendre, plutôt que de rester dans les rails de ce qui est préconisé par les algorithmes, on peut aller à la découverte. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Beau qu'il est, marchant sur son fil, le Charlie disait l'albatros. Il est mort à marcher sur la terre, mais c'est pas fini, on va continuer. Et là, peut-être, on revient au souvenir de Philippe Pagès avec les têtes raides. Tu évoquais la façon de programmer. Ouais. J'avais reçu un coup de fil de Grégoire, un des musiciens des têtes raides, le saxophoniste qui, à l'époque, s'occupait de trouver les contrats quand ils étaient sous format associatif tout seul. Et moi, je lui ai dit, je ne programme pas tant que je n'ai pas vu. Je sais que vous êtes connu, mais moi, ça ne me suffit pas. Ce n'est pas parce que les copains me disent que c'est bien, je programme ce que j'ai vu. Bah, t'as qu'à venir, on va jouer à Toulouse, là, dans un bar, on vole de nuit. Bon, d'accord, on va au vol de nuit avec ma compagne Christelle, on se trouve avec Emmanuel Grimaud, le photographe, que tu connais peut-être, et sa compagne aussi. Et on était quatre à vouloir écouter au milieu d'un anniversaire d'étudiants qui fêtait ça au Whisky Coca, dos à la Seine avec les bouteilles et tout ça, dans un fatras incroyable. Et ces gars, parce qu'il n'y avait que des gars à l'époque dans les têtes raides, ont produit un spectacle qui passait au-delà de ce brouhaha, parce que vraiment on ne pouvait pas entendre. Tellement il y avait de bazar, mais la qualité de leur travail poétique, littéraire, ce truc complètement déglingué qui arrivait devant nous, on a tout de suite dit, ben ça, banco. Et ils sont venus jouer plusieurs fois au Bijou, ils ont fait des séries, ils ont projeté un film une fois au Rex et ils venaient le soir jouer chez nous. J'ai le souvenir qu'ils m'avaient demandé à cette occasion, c'était déjà un spectacle trop grand pour jouer au Bijou, ça faisait des salles plus importantes. Ils m'ont dit, ouais, mais on vient faire un film, mais alors on veut jouer aux Trois Petits Cochons et au Bijou, puisqu'on fait deux soirs. Un soir aux Trois Petits Cochons, un soir aux Bijoux. Je dis, arrête tes bêtises, vous allez vous pointer à minuit ou une heure et j'arriverai jamais à fermer à 2h. Non, je t'assure, on fait le film à 10h, à 11h c'est fini. Projette le film à 20h30, à 21h30 on est chez toi, à 23h c'est fini. Évidemment, ils sont arrivés à 23h et à 2h du matin ça jouait encore. Et je me souviens du barman qui se disait, mais à quelle heure on va finir ce soir? Et j'ai fermé l'accordéon de Christian en le regardant droit dans les yeux par-dessus, en lui disant « Tu m'avais promis, maintenant c'est fini, c'est tout de suite, t'as même pas 5 minutes. » Et par-dessus l'accordéon, il m'a dit « T'as de la chance que c'est toi. » Et puis il a dit « Allez, on va en bikini !» Et tout le monde est parti instantanément, c'était formidable. Mais bon, les Tetraeds, et puis c'est le groupe qui vieillit bien. Alors, je crois qu'ils ont définitivement arrêté, il me semble, mais le dernier spectacle que j'ai vu l'an dernier, le concert est mieux encore qu'il y a 30 ans. Parce que Christian, il chante mieux, le travail musical, il est encore plus abouti. C'était carrément merveilleux. Et de voir cette reproduction de public jeune qui vient, il y a des gens, c'est les petits-enfants des premiers auditeurs qui étaient là au bijou, hein, qui sont des jeunes adultes qui étaient venus écouter ça. Et ça me fait toujours plaisir de les voir. Et puis cette capacité d'émotion. Alors là aussi, hein, le rapport politique, chanson, poésie, le mix de tout, je crois que là, on a les maîtres du genre. Avec peut-être une anecdote que vous allez nous raconter des Tetraeds qui sonnaient, j'allais dire, d'une décision municipale à Paris d'interdire les concerts dans les bars de musique amplifiée. Et ça les a aidés à imaginer une version acoustique de leur rock de l'époque. Oui, c'était les Red Tet. Et ils jouaient rock électrique surtout. Et l'association Life Live in the Bar de Julien Bassoul est née pour faire tourner les Tetraeds, puis la Tordue, puis la Grande Sophie, dans les petits bars parisiens. Et il y avait une charte qui était édictée pour les bistrots qui participaient à ça, de respect du voisinage, de concert de bonheur, etc. Et les Tetraeds ont fait leur premier succès dans ce rapport acoustique. Ils ont joué à plein d'endroits. Sans être absolument sonorisé. Ouais, parce que sinon c'était interdit de jouer électrique à Paris parce qu'il y a du monde et que les voisins commençaient à se plaindre. Dernier morceau de votre liste, Philippe Pagès. Avec ce qui pour moi est aussi une découverte, Jeanne Côté, Il peut mouiller. Deux, trois mots sur cet artiste. J'ai eu la chance d'être invité au festival de Petite Vallée en juillet 2022. Petite Vallée, c'est à l'estuaire du Saint-Laurent, sur l'Atlantique, au Canada. Donc, au Canada, oui. Et c'est un village où il doit y avoir 40 habitants l'hiver. Et 200 répertoriés au total, et il y en a 20 ou 30 qui vivent de ce festival de chansons. Alan Côté en est le fondateur, c'est le père de Jeanne, il est chanteur aussi d'ailleurs. C'est une histoire de famille, des gens qui avaient une auberge et qui se retrouvaient pour faire les cousinades. Tout le monde sortait la guitare et ça chantait, et puis ça s'est transformé petit à petit en rendez-vous de groupe folklorique. Et puis Alan l'a fait évoluer en un festival de chansons, et maintenant c'est devenu un rendez-vous international avec un vrai appui, c'est-à-dire que les artistes dorment chez l'habitant. De toute façon, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de solution d'hébergement. Et c'est une atmosphère très, très particulière. Beaucoup d'artistes qui jouent dans plusieurs groupes, qui passent d'un truc à l'autre, des créations qui se font entre artistes européens, belges, suisses, français et québécois, qui se retrouvent sur place une semaine avant sous forme stage-atelier et qui présentent les résultats à ce moment-là. Et j'ai vu beaucoup de spectacles très intéressants. Le duo Dans le Shed, par exemple, qui est déjà venu au Bijou il y a quelques années, qui va revenir au Bijou sur des tours de chant. Et puis, Jeanne Côté. Alors elle, seule, clavier et voix, des chansons très introspectives, quelque chose qui peut aller vers la mélancolie, très souvent, une voix magnifique, une présence magnétique et un répertoire vraiment ébouriffant. Et J'ai vraiment eu envie de la programmer. Elle sera sur des tours de chant l'année prochaine aux apéros du Grand Rond, puisque personne ne la connaît. On a la chance, à Toulouse, d'avoir aussi un endroit vraiment formaté pour les découvertes avec ces apéros du Grand Rond, qui permet aux gens de venir. Et puis, quand ça leur a plu, de dire à des copains, venez demain, puisque ça dure toute la semaine. Et je pense qu'avec Jeanne Côté, il y aura des belles rencontres l'année prochaine. Donc c'est vrai que votre prochain rendez-vous à Toulouse, c'est des tours de chant qui d'ordinaire se passent fin janvier, début février. Je pense que cette année, ça ne dérogera pas. Du 23 janvier au 3 février, mais on va faire quelque chose d'exceptionnel ce coup-ci. C'est que nos fameux coups de pouce, où on présente 5 artistes dans la journée, on invite des copains programmateurs à venir voir. Et ça se passait d'habitude au Bijou. Oui, et ça se passera toujours au Bijou, mais on faisait toujours ça le samedi au milieu du festival. Et cette année, le samedi au milieu du festival, il y aura l'Orchestre National du Capitole qui va jouer du Alain Leprest avec Romain Didier, Clarica, Enzo Enzo et Cyril Mokayesh. Des tours de chant est associé à cette programmation et on s'est dit on va pas faire les coups de pouce le même jour. Et donc, changement de braquet, les coups de pouce auront lieu le 18 novembre. Ah oui. Et ce jour-là, on annoncera la programmation de janvier pour les gens. On fera conférence de presse, annonce, et on fait des coups de pouce en amont du festival dans lequel il y a toujours un jury de lycéens qui a choisi cette année Arbas, qui va jouer au Bijou pour des tours de chant 2024. Et il y aura aussi un vainqueur qui jouera lui à la CAF Poésie, ou une vainqueuse, je ne sais pas comment on dit, qui sera choisie par ce même jury lycéen. Qui les verra au mois de novembre. En novembre, donc ça c'est pour le prochain des tours de chant. L'autre actualité pour vous, Philippe Pagès, c'est l'organisation de la tournée de Simon Chouf qui s'annonce, et puis la continuation de celle de Manu Galure. J'allais dire, celle-là c'est presque une tournée sans fin. Ça fait un an et demi qu'il est parti, et il enchaîne. Ah non, depuis 2020, ça fait trois ans. Et puis c'est loin d'être fini. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour lui, et surtout cette succession incroyable là, de 120 représentations entre le mois d'octobre et 2023 et juin 2024. Eh bien écoutez, bonne continuation d'activité pour quelqu'un qui a pris sa retraite il y a 5-6 ans. vous êtes un suppôt finalement macroniste. Philippe Pagès, en tout cas, merci d'être passé dans cette émission. Il termine au moment où je n'ai pas le temps de répondre. C'est dégueulasse. C'est une dictature insupportable. Voilà, mais c'est effectivement le principe de ce style d'affirmation à l'emporte-pièce. La liste, c'est terminé pour ce soir. Ce soir, c'était celle de Philippe Pagès. Merci à Thomas Delafosse d'en avoir assuré la réalisation. Merci à Loïc Laporte d'en avoir écrit le générique original. Merci à Philippe Pagès d'être venu nous rejoindre dans notre studio campusien. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle liste. Bonsoir. Ciao.